La légende de la mort chez les Bretons armoricains par Anatole le Brave. Livre 2, chapitre 12. Les assassinés et les pendus. Toutes les fois qu'un accident suivi de mort immédiate se produit sur une route, il ne faut pas manquer d'ériger une croix aux abords de ce lieu. Sinon, l'âme du mort ne sera apaisée que lorsqu'un accident semblable se sera produit au même endroit. C'est pourquoi l'on rencontre le long des routes bretonnes tant de croix de pierre ou de bois plantées au flanc des talus. Dans la haute Cornouaille, quand on passe devant ces croix du malheur, l'usage est de jeter une pierre à leurs pieds, dans la douve. Sur la route de Quimper à Douarnenez se trouve la tombe d'un nommé Tanguy. Il périt en cet endroit assassiné. On ne passe jamais devant le tertre de terre sous lequel il est enseveli sans y planter une petite croix qu'on improvise à l'aide de quelques branches coupées aux haies voisines. Qui manque à cette pratique risque de faire mauvaise rencontre en route et de mourir, comme Tanguy, de mal mort. Lorsqu'une personne a été assassinée, si l'assassin entre dans la pièce où est déposé le corps, ou même simplement passe dans la rue devant le seuil de la maison, les blessures du cadavre se rouvrent et se remettent à saigner abondamment. Il y a un procédé infaillible pour découvrir un assassin resté inconnu. Seulement, il n'est praticable que 7 ans, jour pour jour, après le décès de la victime, alors que les reliques de celle-ci ont été exhumées et transportées au charnier. Voici comment on fait. On choisit dans le charnier un des menus os de la main droite du mort, autant que possible un des os de l'index. On le trempe dans le bénitier de l'église, puis on l'enveloppe dans son mouchoir de poche et on le garde sur soi jusqu'à ce que l'on se rencontre en tête à tête avec l'individu que l'on soupçonne d'avoir commis le meurtre. On lui demande sans faire mine de rien « Est-ce que vous n'avez pas perdu quelque chose ?» Lui, aussitôt de chercher, de se tâter et, le plus souvent, de répondre « Non, je ne crois pas. Qu'est-ce donc que vous avez trouvé ?» Alors vous tirez votre mouchoir, vous dépaquetez l'objet et, le serrant dans votre poing fermé, vous dites « Tendez la main !» Lui, sans méfiance, il l'attend et vous y déposez l'osselet. Il ne l'a pas plutôt reçu que, si c'est lui le meurtrier, il le rejette bien vite en faisant une vilaine grimace et en criant « Damné sois-je ! C'est un charbon ardent !»« Urklawentan, que vous m'avez passé là !» Et vous pouvez, en effet, constater qu'il a dans le creux de la main une grosse ampoule, comme si l'osselet du mort y avait imprimé la marque d'un fer rouge. Communiqué par Françoise Thomas, Pinvénan. Les sonneurs qui sonnent le glas pour quelqu'un qui a péri de mort violente, sans qu'on ait pu découvrir par quelle cause, savent, dit-on, d'après la voix des cloches, s'il y a eu accident ou crime. L'instrument, quel qu'il soit, qui a servi à commettre un meurtre, blesse inévitablement toute personne qui veut l'utiliser par la suite pour un usage normal. C'est ainsi que, lorsqu'un moissonneur se coupe avec sa faucille, on ne manque jamais de dire « Arfalsman, zurmad, azo undrabenag, afaldalarelvarni ». Cette faux, assurément, il y a quelque chose de mal à dire sur elle. Entendez qu'on a dû précédemment l'employer à quelque mauvais coup. Le penbaz du mort. Désiré Mingan, de Trédudère, le marchand de porc, ayant perdu son penbaz, bâton à tête ferrée, sur le foire-lard, à Lannion, en reçut un autre en cadeau d'un de ses confrères de Rospez. Or, le soir même, comme il rentrait souper à son auberge, le bâton qui lui avait été donné s'embarrassa si malencontreusement dans ses jambes qu'il alla heurter de la tête le pavé de la rue et resta à demi-mort sur la place. Il guérit cependant au bout de quelque 4 ou 5 semaines. Mais à peine avait-il recommencé à courir les foires que le penbaz aussi recommença à lui jouer de mauvais tours. À la fin, il se dit que cela n'était pas naturel et, résolu de ne plus se servir de cette trique de malheur, il la suspendit dans l'âtre par sa courroie de cuir. Du temps se passa, des mois, peut-être des années. Un jour d'hiver qu'il glaçait à force, notre homme eut la visite d'un cultivateur de l'Armor de Plestin qui venait l'entretenir d'affaires. Une bouteille de cidre fut débouchée, et, comme son hôte était tout transi, Désiré Mingan l'invita à s'installer avec lui auprès du feu pour la boire. Tout à coup, au moment précis où le cultivateur s'asseyait sur l'escabeau, dans le coin de l'âtre, le penbaz suspendu dans la cheminée se détacha comme de lui-même et vint tomber aux pieds de l'homme. « Tiens, tiens !» fit celui-ci en ramassant le bâton et en l'examinant d'un air bizarre, sans être trop curieux. « D'où tenez-vous cet outil ?»« Ma foi, » dit Mingan, « c'est un de mes confrères qui me l'a donné, voici pas mal de temps, et je ne peux pas dire qu'il m'a fait ce jour-là un cadeau avantageux. »« Ah, pourquoi donc ?»« Parce qu'il n'y a pas de mésaventure que ce maudit morceau de houe ne m'ait causé. » Et il se mit à les compter. Quand il eut fini, l'homme lui demanda « Sauf votre grâce, dites-moi, je vous prie, le nom du marchand qui avait le penbaz en sa possession. Vous devez le connaître, car il habite dans vos parages. C'est Jacques Bourdoulouze, de Toul-en-Héry. Cela vous intéresse donc ?»« Beaucoup, et vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, vous n'êtes pas, je pense, sans vous souvenir que mon père fut trouvé mort, le crâne fracassé dans la grève de Saint-Efflamme. Certes, la chose fit assez de bruit en son temps. Je crois même, n'est-ce pas, qu'on n'a jamais pu découvrir l'assassin. Pas plus que l'instrument qui avait servi à commettre le meurtre et qui, au dire du médecin juré, ne pouvait avoir été qu'une masse de casseurs de pierre ou un penbaz. Or, le penbaz dont mon père ne se séparait jamais n'était pas auprès de son cadavre. L'assassin, son crime accompli, l'avait emporté. Ce penbaz était marqué de 2 coches en croix sur la poignée. Eh bien, regardez !» L'homme tendit à Désiré Mingan le bâton qu'il venait de ramasser. Les 2 coches en croix y étaient, usées, encrassées, mais visibles. « C'est donc cela ?» murmura Mingan. « Je ne m'étonne plus à présent. Et qu'allez-vous faire ? Voulez-vous me confier l'outil ? Oh, prenez-le, gardez-le. Moi, je ne veux plus le voir. » D'affaires, il ne fut plus question. Vous sentez bien. Le cultivateur repartit au plus vite, se dirigeant vers Plestin, où il y a des gendarmes. Le soir même, Bourdoulouze, mis à l'improviste en présence de l'instrument accusateur, était contraint d'avouer son crime. Il est mort aux galères, Dieu l'ait en pitié. Conté par Fanchon Arfulup, Ploumillot, en 1893. Les gens assassinés reviennent jusqu'à ce que leur assassin ait payé le tribut. Il n'y a qu'un moyen de les empêcher de revenir, c'est d'enterrer avec eux les chaussures, souliers ou sabots qu'ils portaient le jour de leur mort. Fanchon Arfulup, Ploumillot. Les pendus sont, dit-on, condamnés à demeurer entre ciel et enfer pour l'éternité. Il n'y a pas d'exemple qu'un homme qui s'est donné volontairement la mort par pendaison, Armarokrug, soit monté au ciel, mais il n'y a pas d'exemple non plus qu'il soit tombé en enfer, et voici pourquoi. Lorsque le diable veut saisir l'âme d'un mourant, c'est près de la bouche qu'il se place pour la guetter, parce que c'est par là qu'elle s'échappe dans les cases habituelles. Mais le pendu à la gorge serrée par la corde, c'est sans doute par analogie avec la corde de pendu que l'on dit en Irlande que quiconque passe sous une corde de chanvre mourra de mort violente ou commettra un crime. Son âme, trouvant cette issue bouchée, cherche une autre porte et, tandis que son ennemi la guette par en haut, s'évade tranquillement par en bas, de sorte que le diable est volé. Communiqué par Dallandlüs, Cléder. Le pendu. C'étaient deux jeunes hommes. L'un s'appelait Cadovraz, l'autre Fulupic Andu. Tous deux étaient de la même paroisse, s'étaient assis au catéchisme sur le même banc, avaient fait ensemble leur première Pâque et, depuis lors, ils étaient restés les meilleurs amis du monde. Lorsqu'au pardon on voyait paraître l'un d'eux, les jeunes filles se poussaient du coude et chuchotaient en riant. Parions que l'autre n'est pas loin. Il eût fallu marcher longtemps avant de trouver une amitié plus parfaite que la leur. Ils s'étaient jurés que le premier d'entre eux qui se marierait prendrait l'autre pour garçon de noces. « Damné sois-je, avait dit chacun d'eux, si je ne suis pas de parole. » Le temps vint qu'ils tombèrent amoureux, et le malheur voulut que ce fût de la même héritière. Leur amitié, toutefois, n'en souffrit point dans les débuts. Ils firent leur cours loyalement à la belle Marguerite Omnèse, ne médisant jamais l'un de l'autre, fréquentant même de compagnie chez Omnèse le Vieux et se portant des santés réciproques avec les plaines écuellées de cidre que Margaïdic leur versait. « Choisis de nous celui qui te plaira le plus, disait-il à la jeune fille. Tu feras un heureux sans faire un mauvais jaloux. » Marguerite ne laissait pas que d'être fort embarrassée en dépit de toutes ses belles assurances. Elle dut pourtant se décider. Un jour que Cadovraz vint seul, elle le fit asseoir à la table de la cuisine et, s'installant en face de lui, elle lui dit « Cado, j'ai pour vous une grande estime et une franche amitié. Vous serez toujours le bienvenu dans ma maison. Mais ne vous en déplaise, nous ne serons jamais mariés femmes. » « Ah ! Répondit-il un peu interloqué. « C'est donc de Fulupic que vous avez fait choix. Je ne vous en veux pas, ni à lui non plus. » Il tâchait de faire bonne contenance, s'efforçait de dissimuler son émotion, mais le coup était inattendu et le frappait en plein cœur. Après quelques paroles banales, il partit, en vacillant comme un homme ivre. Bien qu'il eût à peine porté les lèvres au verre que Marguerite lui avait rempli. Quand il fut sorti de la cour des Omnès et qu'il se trouva seul avec son infortune dans le chemin creux qui menait à sa demeure, il se mit à sangloter comme un enfant à qui l'on a fait mal. Il se dit « À quoi bon vivre désormais ?» et il résolut de mourir. Auparavant, toutefois, il voulut serrer la main de Fulupic Andu et être le premier à lui annoncer son bonheur. Au lieu de continuer vers Kerberenes, qui était sa maison familiale, il prit donc un sentier à gauche pour aller à Kervas, où habitait Fulupic. La vieille Andu épluchait des pommes de terre pour le repas du soir. Elle fut étonnée de la mine si pâle, si douloureuse de Cadovraz. « Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle. « Tu es blanc comme un linge. »« C'est que vous me voyez à la brume de nuit, gentille marraine. Je suis venue m'informer de ce que Fulupic compte faire demain dimanche. En vérité, je ne saurais te le dire. Imagine-toi que Fulupic tient à cette heure un nouveau-né sur les fonts baptismaux. Bah. Oui, c'est encore cette fille Nanès qui est accouchée d'un enfant bâtard. On est allé frapper à trois portes pour trouver un parrain. En désespoir de cause, on s'est adressé à Fulupic qui a accepté. J'étais d'avis qu'il refusa comme les trois autres, mais c'est un entêté qui ne veut rien entendre. J'ai eu beau lui objecter qu'auprès des mauvaises langues, il risquait de passer pour le père de l'enfant, il s'est tout de même habillé et il est parti au bourg. Il jurait même en partant qu'il ferait sonner les cloches. En Bretagne, il n'y a généralement pas de sonnerie de cloches pour les baptêmes d'enfants illégitimes. Ces baptêmes sont dits silencieux. Arvadesiant ziul. Il est méritoire, et c'est une bonne recommandation auprès de Dieu, de tenir sur les fonts baptismaux un bâtard. Luzel, Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Tome 4, 1890, page 301. La vieille n'avait pas fini de parler qu'une sonnerie joyeuse retentissait au loin. « Quand je vous le disais !» s'écria Mon Andu en prêtant l'oreille. Elle reprit. « Mon fils est un écervelé. Tu devrais le morigéner, cadeau. Tu es plus sérieux que lui, toi. Je tremble souvent que son étourderie ne lui porte malheur. »« Soyez tranquille, » répondit Cadovraz. « Je vous affirme au contraire qu'il a dû naître sous une bonne étoile. » Et, souhaitant le bonsoir, il tourna les talons. Sur le seuil, il fit halte un instant. « Bonne marraine, » dit-il, « priez donc Fulupic de me venir joindre demain dès l'aube au carrefour de la Lande Haute. » La Lande Haute est un dos de collines semées d'herbes maigres et plantées de quelques ajoncs, où paissent des vaches de pauvres. Deux chemins, deux sentiers plutôt, s'y croisent au pied d'un calvaire. C'est à ce calvaire que se rendit Cadovraz. Il avait d'abord été chez lui prendre un licol, sous prétexte de ramener des champs la jument grise. Il attacha le licol à l'une des branches de la croix et se pendit. Quand, à l'aube du lendemain, Fulupic se trouva au rendez-vous, ce fut pour voir le corps de son ami se balancer entre terre et ciel. En ce temps-là, pour rien au monde on ne se fût permis de toucher à un homme qui s'était volontairement donné la mort. Fulupic Andu, fort mari, descendit dans la plaine raconter le malheur qui était arrivé. Lorsqu'il dit la chose chez Léomnès, Marguerite se mit à pleurer abondamment. « Ah ! » s'écria le jeune homme, « c'est lui que vous aimiez !» « Tu fais erreur, camarade, » répondit Omnès le vieux, qui fumait sa pipe dans l'âtre. Margaïdic, dans l'après-midi d'hier, a annoncé à Cadovraz que, quelque amitié qu'elle eût pour lui, c'était toi qu'elle épouserait. Ce fut un grand baume pour le cœur de Fulupic Andu. Séance tenante, le jour des noces fut fixé. Par exemple, il fut convenu qu'on ne danserait pas, et qu'il y aurait simplement un repas à l'auberge à cause de la triste mort de Cadovraz. La semaine d'après, le fiancé se mit en route, accompagné d'un autre jeune homme pour faire la tournée d'invitation. Comme il passait au pied de la Lande Haute le soir, Fulupic se frappa le front tout à coup. « J'ai juré à Cadovraz que je n'aurais pas à mon mariage d'autres garçons d'honneur que lui. Il faut que je l'invite. » « C'est une formalité superflue, je le sais. Du moins aurais-je tenu mon serment. Il y va de mon salut dans l'autre monde. » Et il se mit à gravir la pente. Le cadavre, déjà très endommagé du pendu, oscillait toujours au bout de la corde. À l'approche de Fulupic, des nuées de corbeaux s'envolèrent. « Cadeau, » dit-il, « je me marie mercredi matin. » « Je t'avais juré de te prendre pour garçon d'honneur. Je viens t'inviter afin que tu saches que je suis fidèle à ma parole. Ton couvert sera mis à l'auberge du soleil levant. » Cela dit, Fulupic rejoignit son compagnon qui l'attendait à quelque distance et les corbeaux, un moment effarouchés, achevèrent de dépecer en paix les restes mortels de Cadovraz. Fulupic eut encore volontiers invité son filleul, mais le pauvre petit être était mort dans l'intervalle. Le jour de la noce arriva. Le nouveau marié, tout à son bonheur, n'avait Dieu que pour sa jeune femme qui, sous sa coiffe de fine dentelle, était, il faut l'avouer, la plus jolie fille qu'on pût voir. Certes, Fulupic ne pensait plus à Cado. Au reste, n'avait-il pas mis sa conscience en règle de ce côté-là? Donc, la fête allait bon train. Les mets étaient succulents. Le cidre dans les verres avait une belle couleur d'or jaune. Les invités commençaient à bavarder bruyamment. Déjà, on portait les santé et Fulupic s'apprêtait à répondre à ses hôtes quand, tout à coup, en face de lui, il vit se lever un bras de squelette tandis qu'une voix sinistre ricanait. « À mon meilleur ami !» Horreur ! À la place qui lui avait été réservée, le fantôme de Cadovraz était assis. Le marié devint pâle, son verre lui tomba des mains et se brisa sur la nappe en mille morceaux. Margaïdic, la jeune épousée, était elle aussi plus blanche que cire. Un silence pénible se fit dans toute la salle. L'aubergiste, surpris de voir qu'on ne mangeait ni ne buvait plus, bougonna d'un ton mécontent. « Libre à vous, mais les choses sont préparées. Ce qui n'aura pas été consommé sera payé tout de même. » Personne ne répondit mot. Seul Cadovraz, s'étant levé, dit en s'adressant à Fulupic Andu, « D'où vient que je parais être de trop ici? Ne m'as-tu pas invité? Ne suis-je pas ton garçon d'honneur ?» Et comme Fulupic gardait le silence, le nez dans son assiette, « Je n'ai rien à faire avec ceux qui sont ici, » continua le mort. « Je ne veux pas gâter leur plaisir plus longtemps, je m'en vais. Mais toi, Fulupic, j'ai le droit de te demander raison. Je te donne de nouveau rendez-vous à la lande haute pour cette nuit à la 12e heure. Sois exact. Si tu manques, je ne te manquerai pas. » La seconde d'après, le squelette avait disparu. Son départ soulagea l'assistance, mais la noce finit tout de même tristement. Les invités se retirèrent au plus vite. Fulupic resta seul avec sa jeune femme. Il ne s'en réjouit nullement. Comme on dit, il avait des puces dans les bras. « Gaïdic, prononça-t-il, tu as entendu l'ombre de Cadovraz. Que me conseilles-tu de faire ?» Elle pencha la tête et répondit, après réflexion, « C'est un vilain moment à passer, mais mieux vaut savoir tout de suite à quoi s'en tenir. Va au rendez-vous, Fulupic, et que Dieu te conduise !» Le marié embrassa longuement sa femme neuve et, comme l'heure était avancée, s'en alla dans la claire nuit. Il faisait lune blanche. Fulupic Andu marchait, le cœur navré, l'âme pleine d'un pressentiment sinistre. Il pensait « C'est pour la dernière fois que je parcours ce chemin. Avant qu'il soit longtemps, Marguerite Omnez se remariera, veuve et vierge. » Il s'abandonnait de la sorte à de pénibles songeries lorsque, arrivé au pied de la lande haute, il se trouva nez à nez avec un cavalier vêtu de blanc. « Bonsoir, Fulupic, » dit le cavalier. « À vous de même, » repartit le jeune homme, « quoique je ne vous connaisse pas aussi bien que je suis connu de vous. Ne vous étonnez pas si je sais votre nom. Je pourrais vous dire encore où vous allez. Décidément, c'est que sur toute chose, vous en savez plus long que moi, car je vais je ne sais où. » « Vous allez, en tout cas, au rendez-vous que vous a donné Cadovraz. Montez en croupe. Ma bête est solide. Elle portera sans peine double fait. Et au rendez-vous où vous allez, il vaut mieux être à deux que seul. » Tout ceci paraissait bien étrange à Fulupic Andu, mais il avait la tête si perdue. Et puis, le cavalier parlait d'une voix si tendre. Il se laissa persuader, sauta sur le cheval et, pour s'y maintenir, saisit l'inconnu à bras-le-corps. En un clin d'œil, ils furent au sommet de la colline. Devant eux, la potence se découpait en noir sur le ciel couleur d'argent, et le cadavre du pendu, qui n'était plus qu'un squelette, se balançait au vent léger de la nuit. « Descends maintenant, » dit à Fulupic le cavalier tout de blanc vêtu. « Va sans peur au squelette de Cadovraz et touche-lui le pied droit avec ta main droite, en lui disant « Cado, tu m'as appelé, je suis venu. Parle, s'il te plaît. Que veux-tu de moi ?» Fulupic fit ce qui lui venait d'être commandé et proféra les paroles sacramentelles. Le squelette de Cadovraz se mit aussitôt à gigoter avec un bruit d'ossements qui s'entrechoque et une voix sépulcrale hurla « Je donne ma malédiction à celui qui t'a enseigné. Si tu ne l'avais trouvé sur ta route, je serais à cette heure sur le sentier du paradis et tu aurais pris ma place à ce gibet. » Fulupic s'en retourna sain et sauf vers le cavalier et lui rapporta l'imprécation de Cadovraz. « C'est bien, » répondit l'homme blanc. « Remonte à cheval. » Ils dévalèrent la pente au galop. « C'est ici que je t'ai rencontré, » reprit l'inconnu. « Ici, je te laisse. Va rejoindre ton épousée. Vis avec elle en bonne intelligence et ne refuse jamais ton aide aux pauvres gens qui recourront à toi. Je suis l'enfant que tu as tenu sur les fonts baptismaux. Tu vois qu'avec un bâtard, le bon Dieu peut faire un ange. Tu me rendis un grand service en consentant à être mon parrain au refus de 3 personnes. Je viens de te rendre un service égal. Nous sommes quittes. Au revoir, dans les gloires célestes. » Conté par Lise Bellec, Port-Blanc.